soir. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock.

ça ne tue pas. Tu sors de Panama ou Calcutta, tu sors de Marseille ou de Bombay. Y'a la mort de faire la guerre. Combien de frères sont tombés? Ça m'en la mort, viens prendre un verre. Des fois je m'isole, je suis dans un film. J'ai l'impression de jouer un rôle. J'ai fait tuer le gangster dans mes clips, mais c'est bien loin. C'est beaucoup mieux que de faire l'acteur. Y'a pas de critères de foi et de couleur. Rejoins nous, quel que soit ton secteur. De couleur, il faut avancer. De taille ou de poids, il faut avancer. JJK, on avance tous ensemble. Sinon tu recules. Il faut avancer. Toute l'Afrique va avancer. L'Europe va avancer. L'Amérique, l'Océanie, l'Asie. Tout le monde va avancer. C'est la maladie d'avancer, mais comme ça la yo, tu vas avancer. Bougez, bougez, avancez yo. Madame, monsieur, avancez. Clap your hands up, clap your hands up. Go, go, go, go, go, go, go. Rail Suprême, c'est DJ Case, DJ Case.

الكيف خلينا من لامافيا ويا حي يا حي ويا قاع انتوما امين تركيا ويا والعاصمة حطوا لاكاليتي والسياسة تزيع علينا ايا قاع صبر صبر Rai Suprême le dimanche soir, DJ Kayz est là, il est au contrôle, il est au platine, et ouais. Il est même au micro. Il est au micro, il est au platine, il va terminer une session de fou. Moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'il y en a qui découvrent Rai Suprême, comme oui, Makram. C'est vrai. Qui, voilà, donc il y a. Bienvenue Makram. Bien sûr, on le rappelle avec le hashtag, on fait des dédicaces à, via internet, on dédicace ceux qui font péter le hashtag au hasard. Et on a pris Makram qui écoute pour la première fois Rai Suprême et qui dit j'ai envie de partir en vacances au soleil avec cette émission Rai Suprême. Donc, mais... bah maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faudra tout le temps être en vacances, donc ça fait plaisir. Eh bah écoute, Makram, tous les dimanches soirs, tu peux déjà partir en vacances. Bienvenue Makram dans la team. Donc, il y a aussi Royal Sarah qui organise et va organiser un mariage pendant Rai Suprême pour économiser le prix du DJ. Ah non, mais Sarah, c'est une pince, quoi. Pas mal, pas en mal. En même temps, on peut retrouver aussi tous les mix sur ta page Facebook. Ouais, bien sûr. Ouais, quand on peut, on les remet. Ouais. Sur déjà SoundCloud, voilà, on fait péter tout ça. Il y a Diane Nouri qui veut encore plus de sons de l'artiste et des sons quinf. Oui, comme depuis quelques temps, depuis la rentrée, c'est un peu la mode, les sons un petit peu afro, nigérien, Ghana, Bénin, tout ça. Bah, et notamment aussi le Sapé comme jamais qu'on connaît. Voilà, Sapé comme jamais, il illustre bien ce style. Et si tu veux, en plus, ça se métisse plutôt bien avec la musique orientale, donc on fait péter un peu plus de musique afro. Il y en a des fois qui nous demandent, ah, il y a moins de rails et tout ça, mais on fait péter aussi la musique africaine qui est musique festive. Et, bah, c'est un moment de fête. Exactement. Et là, justement, dans cette session-là, on va faire péter ça encore. Gros big up aussi à Franco Coller la Petite qu'on va remettre là, qu'on a déjà mis, qu'on remet. Parfait. Là, et petite dernière dédicace aussi, Kayz. Et bien sûr. Et il y a Rémi qui écoute Rai Suprême des States. Oh, des States. Tous les dimanches dans l'après-midi avec le décalage horaire. Bah oui. Donc je crois qu'il nous écoute, il doit être 18h, par là. 19h. C'est l'heure idéale aussi. Et il dit ça fait plaisir d'entendre des sons de France ici. Et ben on le salue. Voilà, la France c'est Rai Suprême, c'est tout ça, donc on fait péter tout ça. On salue Rémi et puis écoutez-nous un petit peu partout avec l'application Skyrock. Kayz, on est reparti pour une nouvelle session. On est reparti direct là. Allez, go, go. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rai Suprême en direct sur Skyrock. C'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. Comme à Chicago, on est dans le bendo. Flow karaté, flow taekwondo. Wesh, c'est ça. T'es trop fraîche, mais bon, j'insiste pas. Tu vas danser, faut me décaler. Si elle est condé, faut l'étaler. Allez, coup de balai. Sur la concurrence, on va les baler. Wesh, ma copine, comment ça va? Wesh, ma copine, comment ça va? 9-4-8, c'est la savane. 9-4-8, c'est la savane. Wesh, ma copine, comment ça va? Wesh, ma copine, comment ça va? 9-4-8, c'est la savane. 9-4-8, c'est la savane. Il faut du wari, faut du wari, faut du wari, faut du wari. Il faut quitter Paris, quitter Paris, quitter Paris, quitter Paris. Il faut du wari, il faut du wari, il faut du wari. Il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Mesdames, messieurs, quand je vois ses yeux. Mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux.

diamonds make a nigga wanna call. And you buy 20 million on a villa loft. And I can step up in the club and any dub niggas, man, it's shit. The way I make the people go and sing the hook and arrow. Préféré,